Comme nous l'avons dit précédemment, les lettres aux sept églises d'Asie dépeignent par avance les sept étapes de l'histoire du christianisme du 1er au 20e siècle. Ainsi, la lettre à Éphèse évoquait la situation de l'église primitive où les chrétiens vibraient du premier amour pour leur Seigneur. La lettre à l'église de Smyrne dépeignait la situation les deux ou trois siècles qui ont suivi où les chrétiens ont subi de violentes persécutions. Quant à la lettre à l'église de Pergame, elle évoquera la troisième étape de l'histoire du christianisme, à partir de l'an 315 environ. C'est alors que l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion d'État et qu'une ère de liberté s'est substituée aux persécutions. Officiellement, l'Empire romain adoptait l'Évangile. Mais il n'est pas devenu chrétien pour autant. Au contraire, c'est l'Église chrétienne qui s'est paganisée. Les statues dédiées à Jupiter, à Vénus et aux divinités païennes ont reçu des noms de saints, mais le cœur des hommes n'a pas été transformé par la grâce divine. C'est cette situation que le Seigneur a prévue et annoncée prophétiquement par la lettre à l'église de Pergame. Un mot d'abord au sujet du nom de Pergame, car nous avons vu précédemment qu'il y avait une relation entre les noms des villes où se trouvaient les églises d'Asie et les messages qu'elles ont reçus. Pergame est la traduction du grec « pergamos » pour le mariage. L'église de Pergame illustre par avance la période où Constantin consacra l'union entre l'église et l'État, un mariage sur lequel Dieu n'a jamais mis sa bénédiction. Mais revenons à la Pergame du 1er siècle. C'était une cité célèbre, extraordinairement riche, où de prestigieux monarques s'étaient succédés. C'est pourquoi à Pergame, tout devait être plus grand qu'ailleurs. Colonnades, bibliothèques, temples. Quant à l'amphithéâtre, la configuration du terrain n'a pas permis qu'il surpasse en dimension celui d'Éphèse. Aussi a-t-il battu les records en ce qui concerne l'inclinaison de la pente. Les spectateurs assis sur les gradins devaient presque avoir le vertige en assistant au spectacle. Je n'oublierai jamais l'impression que j'ai ressentie lorsqu'il y a quelques années j'ai visité les ruines de Pergame. Quel déploiement inconsidéré de l'orgueil humain! Si le temple de Diane avait assuré la célébrité d'Éphèse, Pergame était universellement connu pour la taille imposante et le nombre de ses sanctuaires. On pouvait y admirer le temple d'Athéna, la déesse de la sagesse, le temple de Bacchus, le dieu des festivités, et surtout le temple d'Esculape, le dieu serpent de la médecine, qui avait fait de Pergame le rendez-vous de très nombreux pèlerins venus y chercher la guérison. En l'an 29 de l'ère chrétienne, on y a encore édifié un sanctuaire à Jupiter. Comme il se devait, ses dimensions dépassaient tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. C'est ce temple qui a été démonté colonne par colonne, puis transporté en Europe et reconstruit avant la Première Guerre mondiale à Berlin. Il se trouve aujourd'hui dans le secteur est de la ville. Mais à Pergame, dans cette capitale de l'idolâtrie, une petite communauté chrétienne avait vu le jour. Le Seigneur a mesuré sa situation difficile. Il connaissait l'âpreté de sa lutte. C'est pourquoi il lui a écrit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Apocalypse 2, 13. Était-il possible de suivre et servir Christ là où Satan avait son trône? De vaincre pour Dieu en dépit de l'opposition et de la persécution? Car les chrétiens de Pergame ont été persécutés. La lettre à cette église cite le nom d'un martyr, Antipas, un témoin fidèle qui a été mis à mort dans cette ville. De plus, l'histoire profane nous apprend que d'autres serviteurs de Dieu ont suivi le chemin des souffrances jusqu'au bûcher. C'est bien la preuve que des chrétiens ont tenu bon, même lorsqu'ils ont dû payer le prix suprême. Mais il est probable qu'à un moment donné, la pression de l'adversaire ait été si forte que les chrétiens de Pergame ont commencé à céder. Peut-être que, pour éviter des difficultés, ils ont peu à peu pactisé avec l'idolâtrie. Ils ont pensé qu'il était possible d'adhérer extérieurement aux exigences des autorités, sans pour autant renier leur seigneur. Ils s'épargnaient ainsi bien des tourments, mais ce fut le signal de la défaite de l'Église. Pour le chrétien qui s'y laisse prendre, la voie des compromis paraît toujours pavée de bonnes raisons et d'intentions louables. Mais il s'engage ainsi sur une pente fatale où il lui sera toujours plus difficile de s'arrêter. À Pergame, on avait voulu concilier l'inconciliable, alors que le ciel et l'enfer ne concluent jamais d'armistice. On avait associé Christ à Satan, comme si la lumière pouvait coexister avec les ténèbres ou la sainteté cohabiter avec la souillure. Il en résulta un odieux mélange. Et comment la lettre à l'église de Pergame dépeint-elle ce mélange? Elle se reporte à un exemple de l'Ancien Testament particulièrement suggestif, à l'histoire de Balaam le devin. Nous lisons Apocalypse 2, 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » La mention de Balaam fait surgir en nos esprits l'incident de l'ânesse reprenant le faux prophète sur son chemin de désobéissance, selon la scène qui nous est décrite dans le livre des Nombres, chapitre 22. Mais il y a plus. Dans le Nouveau Testament, il est question de la voix de Balaam, 2 Pierre 2,15, de l'égarement de Balaam, épître de Jude, verset 11, et ici en Apocalypse 2, de la doctrine de Balaam. La voie de Balaam, c'est le chemin de désobéissance sur lequel le prophète s'était engagé pour répondre à l'invitation du roi de Moab malgré l'interdiction de Dieu. L'égarement de Balaam, c'est la deuxième étape de sa désobéissance lorsqu'il est allé à la rencontre des enchantements, c'est-à-dire lorsqu'il a fait appel aux puissances occultes pour qu'elles entravent la marche conquérante d'Israël. C'est ce que nous racontent les chapitres 23 et 24 du livre des Nombres. Cependant, en Apocalypse 2, il n'est question ni de la voix, ni de l'égarement de Balaam, mais de sa doctrine. Car le devin recourut à un troisième stratagème pour plaire au roi de Moab. Il a proposé à Balak d'organiser une fête licencieuse où les filles de Moab inviteraient les fils d'Israël. Les Israélites sont tombés dans le piège et se sont mis à adorer les idoles. Résultat, Dieu a dû sévir et une terrible plaie a décimé le peuple d'Israël qui a ainsi subi une défaite bien plus grande que s'il avait affronté l'ennemi sur un champ de bataille. En faisant allusion à la doctrine de Balaam, la lettre à l'église de Pergame rappelle cet événement historique consigné dans le 25e chapitre du livre des Nombres. Pourquoi la doctrine de Balaam? Tout simplement parce que le faux prophète a prescrit au roi de Moab d'induire Israël en tentation afin qu'il adore les idoles. Nombre 31, 16. Pour Israël, qui avait foi en un Dieu unique, c'était une grave désobéissance que de se tourner ainsi vers les divinités païennes. Et dans les plaines de Moab, les Israélites se sont livrés à un odieux mélange. D'une part, ils continuaient à célébrer le culte à l'Éternel dans le tabernacle. D'autre part, ils se joignaient à leurs ennemis pour adorer les faux dieux. Or, un mélange du même genre s'était installé en pleine église à Pergame. On y adorait toujours le Seigneur, mais en même temps, et pour échapper à la persécution, on acceptait des compromis avec les cultes païens. Qu'en est-il aujourd'hui? Le mélange n'est-il pas à la mode? Les compromis n'affligent-ils pas à nouveau l'Église du Seigneur? Il est beaucoup plus aisé de louvoyer avec le mal que de résister au mal. Il est beaucoup plus facile d'être bien avec tout le monde que d'obéir au Seigneur et aux avertissements précis de sa parole. Chers amis chrétiens, êtes-vous en train de succomber au compromis, à l'infidélité? Êtes-vous d'accord de pactiser avec le mal? Écoutons ensemble l'avertissement de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Nous reprendrons le message du Seigneur à l'église de Pergame. Mais ne voulons-nous pas, dès cet instant, rompre avec les compromis et le mélange, accepter la séparation d'avec le mal, afin que nous soyons reçus par Dieu, notre Père, comme des fils et des filles? Que le Seigneur nous aide tous à prendre les décisions qui s'imposent et à remplir ainsi les conditions pour que Dieu nous bénisse et nous approuve.